britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés. Maybe it's because I'm a Londoner. Avec cette chanson, nous sommes au cœur de l'Istin. Ce cœur est le bistrot du coin, le pub où tout le monde se connaît. N'empêche que c'est par le biais de l'Istin que l'immigration en masse a filtré dans Londres. À l'époque, c'était des Juifs ou des Chinois. Aujourd'hui, ce sont des Pakistanais. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Puisque Londres est au cœur de l'actualité publique, il s'imposait que nous l'installions ce matin dans la nôtre. Et cela a un double titre. Dans quelques jours, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord va se prononcer dans les urnes sur un enjeu essentiel. Essentiel pour lui et essentiel pour nous. Celui de son maintien ou non dans l'Union européenne. L'attention du monde entier va donc se fixer sur la capitale où les convictions opposées vont se lire avec une force spécifique dès lors que se concentrera là, au centre des intérêts financiers, des passions politiques, des contradictions sociologiques, l'intensité d'un destin. Et d'autre part, le hasard de l'entrelac des chronologies a voulu que ce soit au moment où l'élection d'un nouveau maire a porté au gouvernement de Londres un homme, Sadiq Khan, qui vient incarner l'extraordinaire mosaïque d'une des cités les plus cosmopolites du monde. Car il est le fils, musulman, de deux immigrés du Pakistan qui y sont arrivés voici 46 ans, c'est-à-dire tout récemment, au regard de l'histoire. 36% des Londoniens d'aujourd'hui, 3 millions, sont nés à l'étranger. On ne sait pas ce qu'aurait pensé la reine Victoria de ce choix démocratique. Peut-être après tout n'aurait-elle pas jugé qu'il ait été en contradiction avec les pulsations d'une ville qu'elle avait incarnée au cœur du plus grand empire planétaire qu'ait connu l'époque contemporaine. C'est de cette cité sans pareille, telle qu'au XIXe siècle y ont mûri les ferments d'une originalité absolue, que nous allons parler en écho avec notre présent et avec le concours de Philippe Chassaigne, professeur à l'université de Bordeaux-Montaigne, qui en est un connaisseur très avisé. I was a stranger in the city, out of town were the people I knew. I had that feeling of self-pity, what to do, what to do, what to do. The outlook was decidedly blue, but as I walked through the dreary streets alone, it turned out to be the luckiest day I've known. Foggy day in London town had me low and it had me down. I viewed the morning with much alarm. The British Museum, it lost its charm. How long, I wondered, could this thing last? But the age of miracles, it hadn't passed. For suddenly I saw you standing right there, and in foggy London town the sun was shining, shining, shining, shining, shining everywhere. How long, I wondered, could this thing possibly last? But the age of miracles, it hadn't passed. For suddenly I saw you right there, and in foggy London town the sun was shining everywhere. Philippe Chassaigne, bonjour. Bonjour. C'est George Gershwin qui a signé la musique de cette chanson interprétée par Frank Sinatra en 1954, Foggy Day, un jour de brouillard. Elle me paraît intéressante parce que elle concentre un certain nombre de clichés. Il est très malheureux, n'est-ce pas, dans Londres, il y a beaucoup de brouillard, même le British Museum n'est pas très séduisant, et puis tout à coup, elle apparaît. Voilà. Oui, cette chanson, comme vous dites, concentre des clichés, et des choses parfois pas trop dire la réalité non plus. Je pense que bon, il y a effectivement le brouillard, et on sait que jusqu'à la fin des années 50, la vie de Londres est réputée pour un brouillard qui est plus que du fog, le brouillard c'est du smog, fog plus smoke, la fumée. C'est cette fumée des usines qui sont situées en périphérie de Londres et que les vents d'ouest rabattent vers le centre de la ville. Et ces brouillards parfois durer plusieurs jours, même plusieurs semaines pour les plus terribles d'entre eux. Ils provoquent des infections pulmonaires, bronchites, bronchiolites, etc. Et puis, ce brouillard, c'est aussi celui qui permet à Jack l'Éventreur, à l'automne 1988, de perpétrer ses 9 crimes. Mais voilà, déjà, Jack l'Éventreur, je l'attendais bien quelque part au tournant de l'émission, je ne sais pas. Il arrive avec le brouillard, on pourra en reparler plus tard. Mais, donc il y a le brouillard. Bon. Ensuite, deuxième élément, à un moment il parle de dreary streets, les rues qui sont monotones, ternes. Et c'est vrai que longtemps le cliché était que Londres était une ville dont les rues sont monotones, de façon monotone, répétitive, toujours sur le même plan, les maisons en tout cas, on peut facilement s'y perdre. Et puis effectivement après il y a cette arrivée, il rencontre cette jeune femme londonienne, on peut imaginer, et finalement on est quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsque la chanson est enregistrée par Frank Sinatra, et de nombreux témoignages nous racontent que pendant la Seconde Guerre mondiale, à la fin cette fois non pas du brouillard mais du blackout, des alertes aériennes, eh bien pouvaient se produire ainsi de telles rencontres, ces brief encounters, ces rencontres rapides entre deux individus qui ensuite reprenaient chacun leur chemin. Donc il y a le côté un peu sinistre de la ville et puis une certaine poésie, romantisme, de l'amour qu'on peut trouver à chaque coin de rue. Apollinaire, c'était bien auparavant, un soir de demi-brume à Londres, la chanson du mal-aimé. Mais je pensais surtout, en écoutant cette chanson et votre commentaire, au mot de Samuel Johnson, grand écrivain du XVIIIe siècle, qui disait qu'il est fatigué de Londres et fatigué de la vie. Sinatra, chantant cette chanson, est d'abord fatigué et puis la vie ressurgit. Exactement. Et je pense que cette phrase de Samuel Johnson, elle est encore pertinente aujourd'hui. On voit bien que Londres est une des villes les plus actives, les plus cosmopolites et les plus dynamiques du continent européen. On nous dit beaucoup que les Français, en particulier les jeunes générations, sont attirés par Londres et sont arrivés en grand nombre. Oui, la communauté française à Londres, composée essentiellement de jeunes gens qui sont upward immobile, qui veulent grimper rapidement dans l'échelle sociale, se compose de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc c'est une communauté importante. 120 000, nous dit-on, voilà. Ceux qui sont inscrits au consulat, voilà, il peut y en avoir d'autres, bon, alors qu'il n'y en avait que 70 000 en 2000. Tout à fait. Ben, ça montre bien qu'au cours des 15 dernières années, la ville, le dynamisme économique de la ville a attiré cette population qui pense pouvoir trouver outre-Manche des possibilités de promotion sociale, disais-je, qu'elle n'a pas forcément ou qu'elle ne pense pas forcément pouvoir trouver en France. Cette ville du 19e siècle, que nous allons considérer en détail par rapprochement avec aujourd'hui, a cru en termes démographiques de façon considérable, puisque le premier recensement est de 1801, il y avait 1 million d'habitants. En 1914, nous allons prendre un 19e siècle large naturellement, en 1914, Philippe Chassaigne, ils sont combien ? En 1914, on est aux alentours de 7 millions. Le maximum démographique, c'est en 1931, 8 500 000 personnes. Alors là, c'est même plus la ville de Londres, hein, puisqu'on est passé de la ville de Londres, London, au Great London, le Grand Londres, parce que c'est une agglomération qui s'étend de façon extrêmement tentaculaire dans les campagnes alentours. Londres, avec 8 600 000 habitants, vient tout juste de dépasser New York en nombre. Oui, c'est une belle revanche pour la ville qui était, à la fin du 19e siècle, la ville la plus peuplée au monde, ensuite qui s'est vue dépassée notamment par New York. Bon, maintenant, c'est bien que ce sont des villes comme Tokyo, Mexico, mais dans l'ensemble du monde industrialisé, pourrait-on dire. Donc là, l'ancienne métropole vient de retrouver son rang. Et les projections à 20 ans, donc 2016 pour 2035-2040, aussi entre 9 500 000 pour les plus modestes ou 13 500 000 habitants pour les plus optimistes. Donc on voit bien qu'il y a un dynamisme démographique qui est reparti. Aujourd'hui, sur les 8 600 000 londoniens dont je parlais, 37% sont nés hors du Royaume-Uni, alors qu'en Ile-de-France, pour comparaison, ils ne sont que 18%. Oui, cette capacité d'attraction est tout à fait notable, mais c'est quelque chose qui existe déjà au 19e siècle. Alors bien sûr, les zones d'origine de l'immigration ont changé. Au 19e siècle, on a d'abord des Irlandais, et puis ensuite il y a également des populations européennes. À cause de la grande famine qu'a connue l'Irlande. Pour les Irlandais, effectivement, la période de la grande famine 1847-1849 est absolument cruciale, même si il y avait des Irlandais qui s'étaient installés à Londres auparavant, et des Irlandais qui se sont installés à Londres ensuite. Mais effectivement, la population irlandaise à Londres culmine à 100 000 individus en 1861, donc une dizaine d'années après la fin de la famine. Mais toujours donc au 19e siècle, il y a des Indiens, des Chinois, donc 20 000 Indiens, 400 Chinois, quelques milliers d'Africains. Ces immigrants, ce sont des marins, bien sûr, mais il y a aussi des étudiants. On pense à Gandhi qui a fait ses études à Londres entre 1887 et 1891. Il y a aussi des domestiques, comme les domestiques indiens de la reine Victoria, dans le Munchi, qui ensuite Qui sont-ils, ceux-là? Donc là, les domestiques indiens de la reine Victoria sont j'allais dire offerts, ce ne sont pas des objets. Donc, lui sont présentés au moment du jubilé d'or en 1887. Et parmi d'or, c'est-à-dire 50 ans de règne. Voilà, 50 ans de règne. Alors, qui sont-ils, ces serviteurs? Pour l'instant, ils sont que des serviteurs, les musulmans. On dit presque encore mahométans. Mahométans. Oui, mahométans. Alors qu'aujourd'hui, c'est un musulman qui est le maire de Londres. Oui, c'est on est à l'évidence un changement considérable de focale sociale, c'est certain. Ces Indiens, donc musulmans ou hindous, donc là pour le coup le domestique indien de Reine Victoria était musulman, donc ils lui sont présentés au moment de son jubilé d'or en 1887, et en fait elle s'en entiche rapidement, notamment d'un, le Munshi, c'est-à-dire le précepteur, et qui devient son précepteur justement de langue indienne, d'ourdou. Donc pas de condescendance de sa part? Non, la reine Victoria n'était pas sujette aux considérations racistes, ni aux considérations de mépris social. On se souvient de son amitié avec son écuyer écossais, John Brown, très mal vu par le reste de la cour. Genre, c'était un inférieur social. Et donc là, la sympathie qu'elle manifeste envers le Munshi, son frère et leur famille, eh bien, suscite également l'ire de ses proches. Alors évidemment, il y a les ragots qui parlent d'une possible liaison. Mais le bruit en court à sa honte, aurait dit Racine. Tout à fait. Bon, sans grand fondement en fait, mais bon. Mais à l'époque, donc, ces immigrants venus de l'Empire tropical sont assez peu nombreux. Et effectivement, il y a le changement au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la décolonisation et l'arrivée de ces immigrants venus du Nouveau Commonwealth et du Pakistan. Mais le 19e siècle, dans l'histoire de Londres, c'est le siècle où la ville devient au centre de cet empire immense, et où elle est à la fois par conséquent sur place une sorte de résumé de ce monde entier, et en même temps elle domine le monde. Absolument, c'est une domination qui n'avait pas été connue auparavant, parce que l'Empire britannique, c'est à la fin du 19e siècle 33 millions de kilomètres carrés et 390 millions d'habitants. Et au-delà même de l'Empire, en fait, Londres est vraiment au centre de la mondialisation économique qui se met en place à partir des années 1880. Tous les flux commerciaux, bancaires, donc convergent et partent de Londres. C'est vraiment la capitale économique du monde. Cela dure jusqu'en 1914. La ville-monde, comme on dit dans la suite de l'historien Fernand Braudel, pour reprendre le titre de l'émission de notre chère consoeur Catherine Libert, le dimanche après-midi sur France Culture. Je voudrais vous transporter, sans plus attendre, dans ce Londres avant 1914. Et pour ça, un très bon guide, c'est Paul Morand. Il adorait Londres et il a publié un livre en 1933 dont il lit lui-même un extrait. Voilà comment, sous son regard, ressurgit le Londres d'avant 1914. Londres était alors le monde. Les petits omnibus coloriés de réclame se suivaient sans interruption. On montait sous la pluie sur l'impérial, les jambes entourées dans des couvertures de cheval doublées de toiles cirées, noires. Les cabés, les cochers de cab, les gondoles de Londres, comme disait Disraeli, partaient, l'œillet rose à la boutonnière, le par-dessus mastic à boutons de nacre et le melon gris vers le Crystal Palace ou Hampton Court. On m'apprit alors qu'en accompagnant une dame, il fallait lui offrir la main droite pour l'aider à monter le haut marchepied de ses cabriolets, tandis que je devais interposer mon bras gauche entre sa robe et la haute roue du cab pour lui éviter la boue. Fouette cochée. Le cheval s'envolait, pesait à peine, à croire que l'avant-main ne retrouverait plus jamais le contact du macadam. Leicester Square était alors le centre des music halls, et les music halls la parure de Londres. Les havanes coûtaient sixpence, 12 sous. Les dames n'entraient pas dans les pubs où n'avaient accès que des femmes de ménage, les marchandes de 4 saisons et, la nuit tombée, les filles. Autour de Covent Garden, les pyramides de légumes et de fruits, jusqu'à l'opéra où les marchands de fleurs offraient aux messieurs en habit comme dans Pygmalion quelques boutonnières de gardenia ou de magnolia. Dans la boue, sur le trottoir mouillé, les ménestrels barbouillés de suie jouaient d'un instrument nouveau, le banjo. À Noël, on nous emmenait aux pantomimes de Drury Lane, ce châtelet londonien, ou bien voir la chambre des horreurs chez Madame Tussaud, le grévin anglais, ou Robert Houdin de l'époque, le théâtre masculine que Cocteau devait découvrir 20 ans plus tard. C'était l'âge des grands acteurs édouardiens. Il y en avait alors une bonne douzaine, alors que nous n'avons qu'aujourd'hui que Laurence Olivier. Irving, Bear Boomtree, Charles Wyndham, George Alexander. Il y avait des journalistes célèbres, mais des journalistes de combat, ce qui n'existe plus, comme Horatio Bottomley ou Frank Harris, l'ami d'Oscar Wilde, que j'ai bien connu, et qui racontait de façon terrifiante sa dernière visite à Maupassant, un Maupassant rue du Docteur Blanche, devenu une bête et marchant à quatre pattes. Tous ces messieurs portaient le tube et la redingote, pas la jaquette, la redingote. Et le soir, jamais le smoking, l'habit, mais pas avec le gilet blanc, avec le gilet noir et le chapeau de forme claque, vendu par la chapellerie Gibus, près de Trafalgar Square. Dans la cité, on entendait surtout parler allemand. Les grandes fortunes anglaises se faisaient en Orient, en Afrique du Sud, dans les premiers pétroles russes, et surtout dans cette Amérique du Sud, arrachée 100 ans plus tôt aux Espagnols, inépuisable source de richesses qui devait durer jusqu'à 1914. C'était l'heure de l'Empire, de Kipling, de la science-fiction de Wells. La silhouette d'Oscar Wilde, avec un œillet vert à la redingote grise, la poitrine remontant par-dessus leur vert de soie de la redingote, le nez en bec de perroquet, venait de disparaître de Piccadilly et de Burlington Arcade. À sa place, au Café Royal, qui était le café à l'origine des réfugiés français de la Commune, régnaient les grands chanteurs italiens pilotés par Isidore de Lara, la Tetrazzini, la Melba, Caruso. Sherlock Holmes venait de faire son apparition avec le chien des Baskerville. L'homme le plus fort du monde, Sandow, s'étalait sur des affiches de Regent Street et de Piccadilly Hotel, ce grand hôtel qu'on venait de construire. Les gares étaient couvertes de réclames, Stephens Inc., avec de grosses éclaboussures d'encre bleue qui déjà préfiguraient la peinture abstraite. Et Bicycle Made for Two se chantonnait aux régates d'Henley. Les opérettes de Gilbert et Sullivan triomphaient au Savoy, la Geisha ou le Mikado. C'était un extrait, Philippe Chassé, un extrait d'une émission de Pierre Cipriou en date du 7 janvier 1967, émission notoire qui s'appelait « L'analyse spectrale de l'Occident ». Voilà le Londres de Paul Morand, qui n'est pas le Londres des classes populaires, c'est ce qu'on peut dire, mais qui ressurgit avec beaucoup d'efficacité, vous ne trouvez pas ? Ah, c'est une analyse spectrale du Londres d'avant 1914, hein. Le Londres donc édouardien, bon, du règne d'Édouard VII, 1901-1910. Bon, il y a quelques éléments qui sont sur lesquels on peut revenir rapidement. C'est au tout début du texte quand il évoque les bus et les réclames colorées, parce que il y a ça aussi qu'on n'a pas tendance un peu à oublier, c'est que la publicité lumineuse lumineuse, la publicité colorée, elle n'est pas apparue à Times Square, à New York, dans l'entre-deux-guerres. Avant 1914, déjà, à Piccadilly Circus, il y a des publicités avec des affichages électriques. La publicité, elle est partout sur les bus à impérial, effectivement, parce qu'on est dans une société qui est déjà une société de consommation. Avec des thématiques, d'ailleurs, largement impériales. Oui, là, bien sûr. Alors, on vante, évidemment, les produits de l'Empire, mais il y a aussi des produits qui ne sont pas de l'Empire. Et lorsque Paul Morand, à un moment, évoque rapidement les endroits où se font les fortunes britanniques, alors bon, je ne suis pas certain qu'à la City, on ait parlé qu'allemand. Là, je crois que quand même, c'est un tout petit peu exagéré. Mais les endroits où se font les fortunes britanniques, eh bien, il évoque des choses qui sont connues dans l'Empire. L'Inde, l'Afrique du Sud, évidemment, l'or, les diamants. Bon, Cecil Rhodes en est un bel exemple. Mais il évoque aussi le pétrole russe, donc ça ne fait pas partie de l'Empire, la Russie, jusqu'à plus ample informé. Mais il y a effectivement un intérêt à partir de 1910 pour cette nouvelle source d'énergie, le pétrole. Alors le pétrole russe, mais aussi le pétrole iranien, enfin perse, on dit à l'époque. Et il évoque également l'Amérique latine. Et c'est vrai que l'Amérique latine, bon, arrachée aux Espagnols, oui, lorsque les Latino-Américains deviennent indépendants dans les années 1820, mais après, l'Amérique latine devient effectivement un marché très important pour les commerçants, pour les banquiers britanniques. Et les gouvernements latino-américains se tournent à ce moment-là vers Londres pour lever des fonds, pour placer des emprunts. Donc on est là dans ce qu'on a pu appeler, mais si l'expression est un peu critiquée maintenant, l'empire informel, par opposition à l'empire britannique formel. C'est dans la vie parisienne que le Brésilien vient vers notre capitale. Mmh. Mais pour ses affaires, il serait allé plutôt vers Londres, vous pensez ? Oui, disons que il faut pas non plus généraliser à l'ensemble du continent, mais le Brésil effectivement se tourne plutôt vers Paris sous le Second Empire vraiment. Mais les pays d'expression hispanique, eux, se sont tournés très tôt vers Londres. Et c'est la phrase de Canning, le ministre des Affaires étrangères en 1823, disant l'Amérique latine est libre et si nous ne nous débrouillons pas trop mal, elle est à nous. C'est le grand économiste John Maynard Keynes qui disait qu'avant la Première Guerre mondiale, un habitant de Londres pouvait, en dégustant son thé du matin, commander par téléphone les produits variés de la terre entière en telle quantité qu'il lui plaisait et s'attendre à les voir bientôt déposés sur le pas de sa porte. J'adore ce passage-là, donc qui en quelques lignes résume tout à fait la position centrale de Londres, donc avant la Première Guerre mondiale. On a tout, on a donc la consommation de thé, d'accord, là aussi c'est un cliché, mais pas que. Ensuite, le fait de commander par téléphone, parce que le téléphone après le télégraphe, donc c'est vraiment les moyens de communication les plus contemporains, et cela conduit à un rétrécissement de l'espace-temps et à sa centralisation sur Londres. Quand on regarde la carte des lignes télégraphiques en 1940, on voit que c'est centré, l'échelle planétaire, c'est centré sur Londres. Mais avec les nouvelles technologies, aujourd'hui, du côté de la City, ce ne serait pas tellement différent ? Exactement, la City fait partie des endroits, alors elle n'a plus le monopole, mais la City fait partie des endroits qui sont les plus connectés au réseau de l'Internet. D'ailleurs, c'est amusant, un historien britannique contemporain avait qualifié le télégraphe de l'Internet victorien. Et c'est vrai que par la façon dont le télégraphe a permis de raccourcir le délai de transmission des informations, il y a un effet d'accélération technologique qui me semble tout à fait comparable à celui de l'Internet depuis une vingtaine d'années. Donc l'anachronisme serait un faux anachronisme en l'occurrence. Je pense que ce serait un faux anachronisme. Quoi qu'il en soit, Londres est vraiment le grand marché de la planète. L'Empire approvisionne à ce moment-là sa métropole de richesses vraiment fabuleuses. Il y a le thé, donc nous le disions, d'Inde et de Ceylan, les fourrures, le bois, le blé, l'ivoire d'Afrique, la laine d'Australie, les épices et les métaux précieux d'un peu partout, les fruits exotiques, etc. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que, par exemple, la viande congelé provient certes du Canada, mais beaucoup d'Argentine et d'Amérique latine. Donc en fait, il y a d'autres éléments. Le commerce extérieur britannique jusqu'en 1914 est loin d'être centré exclusivement sur l'Empire. Ce n'est vraiment qu'après la Seconde Guerre mondiale que l'Empire représente plus de la moitié des importations et des exportations britanniques. Avant 1914, on est dans une proportion d'ordre de 60% des importations et exportations provenant de l'extérieur de l'Empire et 40% provenant de l'intérieur de l'Empire. C'est un peu plus précis, on peut aller de façon un peu plus précise, mais ça, grosso modo, c'est cela. Et dans cette évolution, Londres est évidemment, par rapport à l'ensemble de l'Angleterre, tout à fait centrale. C'est, Je citais Brodel, c'est Brodel, le grand historien Brodel, qui disait « Londres avait construit l'Angleterre de A jusqu'à Z ». Ce n'est pas forcément ce qu'on aurait dit de Paris. Non, je pense effectivement, mais déjà il y a un élément géographique, c'est que les îles britanniques sont moins vastes que la France. Donc on a une superficie nationale qui est plus restreinte, et puis il y a eu beaucoup plus tôt qu'en France un phénomène d'hypertrophie de la capitale. C'est à la fin du XVIIIe siècle, l'écrivain Tobias Smollett comparait Londres à la tête hypertrophiée d'un corps tout malingre, donc s'inquiétait de ce développement à ses yeux excessifs de la capitale. Néanmoins, bon, il y a Londres bien sûr, mais il y a d'autres villes qui profitent aussi grandement du développement de l'Empire. C'est Liverpool et Glasgow qui se disputent le titre de seconde cité ou de deuxième cité de l'Empire. On a même pu avoir l'impression à un moment donné qu'il y avait une évolution de l'équilibre économique du pays aux dépens de la capitale et au profit des villes que vous évoquez. Oui, parce que ces villes-là sont les grandes métropoles. On pourrait ajouter Manchester ou Sheffield, donc ou Newcastle. Ce sont les métropoles de l'Angleterre, donc industrielle. Londres, il y a des industries à Londres, mais Londres n'est pas une ville industrielle. Dans les industries à Londres, il y a la savonnerie, il y a la fabrication de chandelles, il y a les corderies, les constructions navales. Mais Londres, c'est avant tout une ville de petites entreprises, une ville d'artisans et d'artisans qui vont travailler pour la bonne société, parce qu'à Londres il y a la cour, il y a le parlement, il y a l'aristocratie et toute cette population qui dépense beaucoup, parce que ce sont les dépenses somptuaires, eh bien fait vivre des horlogers, des bijoutiers, des ébénistes, des fourreurs, des tailleurs, etc. Ça, ce n'est pas très différent de ce qui se passe à Paris à la même période. Ce sont les troupes de la Commune de Paris de 1871. Là où il y a la cour, le pouvoir politique, le pouvoir économique, on va trouver cette population artisanale qui se nourrit de cette activité. Mais puisque nous évoquons Paris par comparaison, par rapprochement, il peut être intéressant un instant, Philippe Chassin, de se demander à propos de ce 19e siècle, quelles sont les ressemblances et les différences. Je lis que le grand géographe Élisée Reclus écrivait « De chaque côté de la Manche, tout diffère. Voyage, idées, civilisation, morale, et les deux peuples forment un contraste absolu. Aussi, bien que Londres ne soit qu'à 10 heures de Paris, un voyage dans la capitale de l'Angleterre est-il aussi instructif qu'une longue exploration des mers polaires ou de l'intérieur de l'Afrique ? Certains, me semble-t-il, aujourd'hui seraient tentés, parmi notamment ceux qui s'expatrient, on ne disait pas encore les expats à l'époque, seraient tentés d'insister sur cette différence entre le Paris d'aujourd'hui et le Londres aussi d'à présent. Bon, il y a un phénomène de dépaysement qui est total. Pour Londres d'aujourd'hui, je crois que ce qui est le plus frappant, ce sont les transformations du paysage urbain de la capitale et même du cœur de la capitale au cours des 15 dernières années, avec cette multiplication des gratte-ciels dans la capitale, alors que le centre urbain de Paris lui est totalement muséifié. Et lorsqu'on évoque la construction de tours, il faut qu'elle soit située à la périphérie, vraiment loin du regard. Les Parisiens ont été traumatisés par la tour Montparnasse. Alors que finalement, l'expérience à peu près comparable de l'ensemble du Barbican, qui était construit à Londres à la fin des années 70, n'a pas dégoûté les Anglais du style futuriste. C'est vrai que ce que font les architectes plus contemporains comme Renzo Piano, c'est plus joli que le Barbican. Bien que Paris n'occupe qu'un quart environ de la superficie de Londres, dès ces années du 19e siècle finissant, les observateurs, les voyageurs montrent que la capitale britannique est à l'étroit. C'est Jules Vallès, le communard exilé, d'ailleurs avec le mal du pays, exilé à Londres, qui a écrit un livre qui a eu du succès à l'époque, La Rue à Londres, et qui dit que c'est une ville pleine à faire reculer les murs. Oui, Vallès, effectivement, on n'a pas du tout apprécié, même détesté le temps qu'il a passé à Londres. Il a notamment écrit des pages absolument hilarantes sur le dimanche à Londres, l'aspect sinistre du dimanche à Londres, il ne se passe rien. C'est pas vrai? Si, c'était vrai jusque dans les années 1980, quand je commençais à aller à Londres, vous savez, le dimanche, il n'y avait absolument rien. Et puis ensuite, dans les années 80, il y a eu des réformes qui ont libéralisé l'activité commerciale et les choses ont commencé à bouger. On pouvait cesser de s'ennuyer à Londres le dimanche. Vous vous rendez compte? Jusqu'en 1980. 85-86, s'ennuyer à Londres le dimanche, la chape de plomb puritaine ou presbytérienne, c'est terrible. Bon, mais donc Vallès, oui, est marqué par cela, et puis il est marqué par cette foule qui emplit les rues. Mais regardons les illustrations de Gustave Doré pour pour le livre qu'il a publié en 1972 avec Blanchard Gérold, Londres, un pèlerinage. Et toutes les gravures de Gustave Doré mettent en avant cette densité de la foule dans les rues de Londres. Donc on a à la fois une ville qui est beaucoup plus étendue, effectivement, quatre fois la superficie de Paris dans le dernier quart du 19e siècle, et une ville qui est extrêmement densément peuplée, une foule qui grouille partout, et du coup, des problèmes de circulation très importants pour les cabs, pour les bus, les omnibus, dès ce moment-là. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Dès ce moment-là aussi, on voit une foule beaucoup plus cosmopolite qu'à Paris. Naturellement, il y a beaucoup de provinciaux qui viennent à Paris, et du côté des élites, les étrangers viennent visiter la capitale, mais il n'y a pas ce sentiment dans les rues qui est celui de populations mêlées. Non sans résistance. D'ailleurs, vous avez souhaité, Philippe Chassaigne, que je vous donne à entendre, et en même temps à nos auditeurs, une des toutes premières chansons de David Bowie. C'est une manière de célébrer d'ailleurs celui qui vient de disparaître. Une chanson de 1968 qui s'appelle London by Tata. Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez pour cette chanson une dilection particulière. You're much too unkind. She loves to love all beauty, and she says the norm is funny, but she whimpers in the morning when she finds she has no money. I loved her, I loved her. I've got to get away now, but I loved her. London by Tata, strange young town. London by Tata brought me down. Don't like your new face, that's not nice. Philippe Chassaigne, que vous donniez l'explication de ce London by Tata. C'était la chanson date de 48 ans. 1968. Oui, voilà, c'était la toute première chanson de David Bowie. Bon, je l'aime bien parce que c'est le Bowie avant Bowie. C'est avant le succès de Space Oddity, 1969, et avant, évidemment, le succès de Ziggy Stardust, 1972. Et c'est un Bowie qu'on connaît très peu. C'est un Bowie un peu folk, enfin... Donc c'est une chanson qu'on connaît très peu, effectivement. C'est d'ailleurs musicalement c'est très marqué années 60. Hein. C'est presque du Petula Clark. Et comme vous y allez. C'est même pas le même type de rythme, je trouve. Bon, c'est une chanson qui est très, oui, Swinging London, années 60s. Alors, bon, d'après la geste bowienne, l'expression la geste bowienne. Ah, salut. Effectivement, une un grand récit de la carrière et de la vie de David Bowie, bon, qui a été repris de façon très très large sur les antennes des médias à l'occasion de sa disparition au mois de janvier. Donc selon cette geste bowienne, Bowie aurait entendu se retrouvait dans la gare de Victoria à Londres et il aurait entendu une famille de d'Antillais qui disait au revoir à des parents qui dans un train quittant Londres, et en disant « London by Tata ». Donc, sans trop savoir ce que cela signifiait, il a trouvé que c'était plutôt accrocheur comme expression, et il a écrit la chanson à partir de cela. Et quand on écoute les paroles, bon, on voit que c'est fait une célébration de Londres, et pas de Brand New Town ou Brand Young Town, quelque chose comme ça. Donc oui, pour lui, le Londres des années, la fin des années 60, c'est une vie qui est en train de se renouveler grâce à cette immigration venue des Antilles, venue des anciennes colonies, donc l'Inde, le Pakistan. Cette immigration donc des anciennes colonies tropicales, elle débute en 1947-40. Je crois que la première arrivée d'immigrants, c'est 1947. Oui, c'est le moment où arrivent les parents du nouveau maire de Londres. Tout à fait, Sadiq Khan, oui, des Pakistanais. Bon, lorsque l'Inde devient indépendante, on sait dans quelles conditions s'est produite l'indépendance de l'Empire des Indes, donc partagée entre l'Union indienne à population majoritairement hindoue et les deux Pakistans, occidental et oriental, à population en majorité musulmane, mais dans des conditions telles que, bon, il y a dès le départ un courant migratoire important en direction de l'ancienne métropole. Et d'ailleurs, les autorités britanniques accueillent très volontiers ces immigrants de l'ancien empire, et sentant comme une sorte de devoir moral de les accueillir et de les intégrer. Il y a eu au XIXe siècle un moment où s'est incarné à Londres l'évidence de ce côté ville-monde que nous évoquions, de cette centralité par rapport à toute la planète. C'est la grande exposition de 1851. En France, comme nous savons, il y a eu toute une série d'expositions universelles ultérieurement, de 11 ans en 11 ans. 78, 89, 1900. Celle de 1851 à Londres, qui est marquée notamment par la construction du fabuleux Crystal Palace, le palais de cristal, a laissé des souvenirs profonds. Et on peut s'y arrêter un instant, surtout si on compare avec les événements récents tels que les Jeux Olympiques de 2012. Est-ce que vous pouvez vous risquer à faire à cet égard, Philippe Chassé, une concordance des temps ? Alors, risquons-nous à cette concordance des temps? Donc, 1851, c'est vrai, c'est ce qui marque et qui explique le retentissement durable, l'inscription dans la mémoire collective, c'est le fait qu'elle consacre de façon visible pour l'ensemble de la planète la supériorité technologique de la Grande-Bretagne. Bien sûr, il n'y a pas que des produits de l'industrie britannique qui sont exposés ou des colonies, mais à peu près la moitié des exposants sont des exposants britanniques ou de l'empire colonial. Et quand on considère les stands qui sont les plus fréquentés par les visiteurs, on voit bien qu'il y a une prime qui est donnée aux stands britanniques ou aux produits venus de l'empire. Donc il y a là un incontestable élément qui de fierté nationale. Et du coup, si on fait la comparaison avec les JO de 2012, bah là aussi, il y a un incontestable sentiment de fierté nationale. Et en particulier, les spectacles d'ouverture et de clôture de ces Jeux Olympiques, surtout le spectacle d'ouverture qui présentait une sorte de résumé de l'histoire de l'Angleterre, des origines jusqu'à nos jours, mettant l'accent sur quelques éléments, notamment sur la révolution industrielle, puis sur le Swinging London des années 60. C'était organisé par David Boyle, qui est un des stars du nouveau cinéma britannique. Tout à fait. C'était une très belle reconstruction. Alors après, on peut discuter de la pertinence des choix ou des interprétations apportées, mais sur le plan à la fois technique, artistique et narratif, c'était extrêmement intéressant. Et puis évidemment, il y avait quand même l'ouverture avec l'arrivée de la reine parachutée d'un hélicoptère avec James Bond. C'était quand même spectaculaire. C'est en 1951 que le roi George VI, à propos d'un festival de Grande-Bretagne, avait célébré, c'est tout à fait frappant, l'anniversaire de cette exposition de 1851 qui a donc marqué beaucoup les souvenirs comme très, très symboliques. Écoutez ce reportage de Jacques Salbert. Le roi, tout seul sur l'estrade, s'avance devant le micro et va s'adresser à son peuple. 100 years ago, the Queen Victoria opened and the great exhibition in Hyde Park. Le roi commence son discours en faisant allusion à la grande exposition de 1851 inaugurée par la reine Victoria. Après avoir expliqué que les différentes manifestations qui se dérouleront partout dans le pays, aussi bien en Angleterre qu'en Écosse, qu'au Pays de Galles et qu'en Irlande du Nord, seront le symbole de la vitalité de la Grande-Bretagne, le roi exprime le vœu que tous les progrès de la science moderne, progrès que l'on pourra constater en visitant les différentes expositions de ce festival, seront utilisés à des fins pacifiques. Et enfin, pour terminer, le roi déclare officiellement le festival ouvert. I declare the Festival of Britain open and wish it a universal success. Il est très exactement 12h20, la cérémonie est terminée, le cortège royal va se reformer pour regagner Buckingham Palace. Le festival de Grande-Bretagne est officiellement ouvert. Ici Londres, Radiodiffusion française. Il s'agit des ultimes moments du règne de George VI qui est mort peu de temps après. Exactement, il décède l'année suivante. Mais ce Festival of Britain 1951 est important à plusieurs raisons. Tout d'abord, effectivement, c'est le centenaire de l'exposition universelle de 1851. Deuxièmement, on est six ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'Angleterre a déjà perdu la perle de l'Empire, l'Inde, en 1947. Son empire est toujours le premier empire mondial, mais quand même, on voit bien que c'est plus tout à fait la même chose. Et donc, c'est une façon de se poser, de dialoguer avec le passé et de dire, bon, l'Angleterre de 1951, elle n'est pas si éloignée de celle de 1851, malgré les difficultés récentes. Et puis, ces difficultés sont importantes, parce qu'en 1951, il y a encore le rationnement, jusqu'en 1954-55. Hein, donc, c'est encore une période très difficile. Symboliquement, le Crystal Palace, le palais de cristal, a disparu puisqu'il a, après s'être dégradé, il a été brûlé en 1936. Churchill avait dit « c'est la fin d'un monde ». Voilà, oui. En fait, le palais de cristal donc, qui était à Hyde Park, ensuite était démonté et remonté donc, au sud de Londres, à Sydenham. Et puis en 1936, effectivement, il brûle et disparaît ainsi. Il ne reste plus donc Crystal Palace que bon, de nombreuses gravures et le nom d'une station de métro au sud de Londres. Je voudrais maintenant, Philippe Chassaigne, que nous en venions à une géographie sociale du Londres du 19e siècle pour voir ce qu'il en reste aujourd'hui. Ou si vous voulez, une sociologie spatiale. Et pour ce qui est de l'opposition entre, qui frappe beaucoup les visiteurs, entre les très riches, la société qui développe tous les raffinements possibles des plaisirs artistiques et autres, et d'autre part les très très pauvres, une misère absolue, celle qu'on voit dans Dickens. Ce nouveau passage de Paul Morand dans son livre « Londres », qui est extrait également de l'émission de Pierre Cipriot, « Analyse spectra de l'Occident » 1967. La 5e avenue envahissait Grosvenor Square. Édouard VII était aussi souvent à Paris, à Biarritz, que ses ancêtres allemands au Hanovre. À table, les maîtres d'hôtel restaient à portée derrière leurs maîtres et derrière chaque invité se tenait un valet, la perruque passée au blanc d'Espagne. Chaque membre du personnel avait sa livrée, la gouvernante en noir, les pieds à la tête, la première femme de chambre en chapeau et voilette, le valet privé en jaquette, les premiers et deuxièmes valets de pied en livrée à boutons d'or, culottes et bas de soie avec aiguillettes à droite, les filles de cuisine en tablier à bavette, les maids pour le service de salon avec le bonnet de dentelle, les filles de chambre en soie noire, les blanchisseuses en toile blanche, toute une domesticité dont il ne restera plus rien 50 ans plus tard. C'était l'époque des grands dîners, des raconteurs, des bons viveurs, du grill du Savoy, du Carlton, la cuisine française qui avait conquis Londres sous le Second Empire, régnait partout au début du siècle avec Escoffier. Mais cette folie continentale n'était que de surface. L'Angleterre restait pieuse, puritaine, biblique, respectueuse des dimanches sinistres où seul l'harmonium retentissait dans les rues vides. L'Angleterre avait 40 religions, Elle ne comptait pas alors plus d'une demi-douzaine de sauces, jusqu'à ce qu'Escoffier lui enseigne qu'il y avait encore plus de sauces que de religion. Les grands hôtels de Londres datent de 1900 à 1910, le Savoy, le Claridge, le Ritz, le Barclay. Mais à côté, il y avait les vieux grands hôtels, ceux de 1880, le Trocadéro, le Cécile. C'était une Angleterre, comme je vous disais, jingoïste, à la fois chamberlaine, prête à risquer une guerre à la moindre offense, Fashoda n'est pas encore bien loin, indifférente à l'Europe, hostile à la France, craignant la Russie, recherchant l'alliance de l'Allemagne jusqu'à ce qu'arrive l'entente cordiale 4 ans plus tard. Mais en 1904, tout va changer. Guillaume II augmente sa flotte, la France deviendra le contrefort horizontal de l'Empire britannique. Changement est profond, définitif, il va durer du moins 50 ans. 50 ans plus tard, l'Angleterre du début du siècle ne sera plus bientôt qu'un souvenir. Je vous raconte ce que j'ai vu, qu'en restera-t-il ? Qu'en restera-t-il ? Voilà une bonne question pour notre émission, Philippe Chasseille. Qu'en reste-t-il de cette Grande-Bretagne vue par les yeux de Paul Morand ? Eh bien, faut toujours dire que Leicester Square reste le cœur de l'activité de distraction, l'activité, on parle de musical, l'activité des théâtres. Bon, aujourd'hui, dans tous les dépliants touristiques, on voit bien que ce West End, c'est Theaterland, c'est le pays des théâtres. Et donc, théâtre, musical, tout cela, oui, c'est resté associé au West End, qui est donc le lieu des plaisirs. Le West End, oui. Le West End. Et donc, quand on parle du West End, évidemment, on pense aussitôt à l'East End. Donc, le West End, c'est, donc, West End, East End, ça se positionne par rapport à la City. Il est curieux de voir que dans le Paris de la même époque, c'est aussi à l'est que sont les classes populaires, à l'ouest que sont les bourgeois. Oui, parce que compte tenu du placement des vents, je pense que l'air est plus pur à l'ouest et ça envoie les miasmes vers l'est de la ville, donc vers les pauvres. Pour Londres, la justification est beaucoup plus simple à présenter, c'est qu'en fait, l'est, c'est le quartier du port. Et donc autour du port, on a toutes les activités qui sont liées au port, donc à la fois chargement, déchargement des marchandises, transformation des marchandises. Par conséquent, on va avoir les marins, les dockers, donc des populations qui sont pauvres. Et tandis que bon, à l'ouest, on est plus en amont, il n'y a pas d'activité portuaire ou très peu, et donc c'est à l'ouest que l'on va trouver les activités bancaires, politiques, Westminster. Et donc autour de ces points forts de l'économie et du politique va se développer ou vont se développer des quartiers qui sont des quartiers recherchés par l'aristocratie, la haute bourgeoisie. Avec tout à fait frappante la différence des accents, qui est toujours vrai probablement aujourd'hui, entre le cockney et l'anglais de Oxbridge, Oxford, voilà. Cambridge. Tout à fait. Le cockney, c'est vraiment l'accent du Londres populaire. Donc, dès que l'on sort de la City en allant en direction du port, on se trouve dans les quartiers où s'épanouit cet accent gouailleur. C'est un peu l'équivalent de la gouaille parisienne, pourrait-on dire. Mais à Paris, les différences des accents est beaucoup moins notable. Elle est toujours très, très présente dans le Londres d'aujourd'hui? Elle est présente dans le monde d'aujourd'hui, oui, parce que bon, on dit beaucoup que la BBC a contribué à l'uniformisation de l'accent à l'échelle du pays. Moi, ça, je n'y crois absolument pas, parce que voilà, c'est peut-être lié à mes limites dans la pratique de la langue anglaise. Mais enfin, dès que je dépasse Birmingham, j'ai beaucoup de mal à comprendre ce que l'on peut dire à Liverpool ou plus encore en Écosse. Mais bon, mais à Londres aussi, le cockney, il y a tout un folklore cockney, donc cet accent est entretenu. Et puis, il y a aussi l'accent des populations immigrées venues d'Afrique ou d'Asie qui parle un anglais. Ah justement, on écoutait la chanson de David Bowie, London by Tata. Je ne sais pas comment c'était prononcé, mais en tout cas, c'est une expression qui ne correspond pas au King's English, ça, ou au Queen's English, c'est le moins que l'on puisse dire. D'un côté, ce Londres des élites que fréquentait voluptueusement Paul Morand, et de l'autre, une misère qui frappe toujours les visiteurs. Elle était grande, la misère du peuple à Paris, mais pas à ce point. C'est le climat où va surgir l'effroi, l'inquiétude incarnée par Jack l'Éventreur, nous en parlions en 1888, dont la portance dépasse évidemment de beaucoup la simple anecdote ou le simple fait divers. Oui, parce qu'en fait, Jack l'Éventreur n'a tué qu'au maximum 9 prostituées, parce que bon, les chiffres varient, mais enfin bon... C'est pas énorme, effectivement. Voilà, quand on dépasse la dizaine, c'est qu'on attribue on lui attribue des crimes qu'il n'a sûrement pas commis. Mais ce qui frappe, c'est que ça se passe dans le quartier de Whitechapel, qui est des quartiers les plus pauvres, plus des hérités de Londres, que les victimes sont des prostituées, vraiment, enfin des prostituées de la dernière catégorie, si je puis dire. C'est-à-dire des filles qui sont rongées par l'alcool, les maladies vénériennes, même si elles sont encore jeunes, et qui en fait se font tuer parce qu'elles sortent, elles font une dernière tournée dans la rue à 11h du soir, minuit, pour rencontrer un dernier client et pouvoir récupérer quelques shillings pour pouvoir payer leur nuit dans une auberge malfamée. Donc c'est ce qu'avait bien montré d'ailleurs Roland Marx dans son ouvrage Jack l'Éventeur ou les fantasmes victoriens, qui était paru en 1988, si je me souviens bien. Jack l'Éventeur a été un révélateur, a permis une prise de conscience des réalités sociales, des problèmes sociaux qui se posaient dans cet Est, dans cet East End de Londres, autour du port. Et cela ensuite a entraîné un certain nombre de mesures prises aussi bien par le gouvernement britannique que par des initiatives individuelles et des travailleurs sociaux qui sont allés s'investir de façon plus importante dans ces quartiers de l'East End. Criminalité, prostitution. Il y a aussi les odeurs nauséabondes, le smog dont nous parlions, les miasmes, le choléra qui reparaît de façon récurrente. C'est ce Londres de la misère, qui est tout de même probablement moindre aujourd'hui, ce Londres de la misère qu'évoque en particulier Dickens dans son œuvre. Nous parlions tout à l'heure d'Oscar Wilde, avait surgi dans les propos de Paul Morand. On peut évoquer aussi le Conan Doyle de Sherlock Holmes. Mais Dickens domine la littérature de ce temps, en particulier pour évoquer ce qu'était le Londres du moment. Je vais vous faire entendre un extrait des Grandes Espérances de Dickens, un de ses premiers romans majeurs. Et c'est une Anglaise qui appartient à la Dickens Fellowship, les amis de Dickens, John Dix, qui promène son interlocuteur dans les rues de Londres à la recherche de l'ombre de Dickens. Et ensuite, un extrait des Grandes Espérances. Où allons-nous, John Dix? Là, on est en train de descendre la rue de Greville Street. On est dans la City de Londres, là? On est où, à la limite? À la limite de la City, oui. C'est Smithfield, qui est le marché central de la viande à Londres. Et à l'époque de Dickens, c'était l'endroit où le bétail était abattu en pleine vue. Et lorsque Pip, dans le livre de Dickens, Les Grandes Espérances, lorsqu'il est arrivé à Londres, Smithfield était un des lieux, des premiers lieux qu'il a vus. Et il a trouvé un endroit honteux. Et dans ses livres, Dickens lit toujours cet abattoir de Smithfield et la prison de Newgate, qui est près d'ici aussi. Et Dickens a fait campagne contre l'exécution publique et il a voit un parallèle entre l'abattoir et les hommes exécutés en public pour le plaisir d'une assistance et il a fait campagne contre tous les deux. À 400 mètres de Whitechapel, il peut y avoir 600 bœufs fraîchement abattus puis pendus avec 700 moutons. Plus il y en a, plus la prospérité est assurée. Non loin de Snow Hill et de Warwick Lane, vous verrez des enfants. Ils trottent le long des ruelles, se mêlant à l'infâme troupeau de cochons affairés, du sang jusqu'aux chevilles, mais cela fait d'eux de robustes fripons. Dans les égouts défectueux de cette ville surpeuplée, vous retrouverez la putréfaction massive engendrée par de telles pratiques, nonchalamment cachées à votre vue, sous la forme de gaz toxiques qui s'élèveront jusqu'à vos maisons la nuit, lorsque vos enfants ensommeillés pourront les inhaler plus aisément. Puis, cette putréfaction se déversera langoureusement dans l'eau de la rivière, celle que vous buvez. 1851. Cette archive, Philippe Chassaigne, est extraite d'un documentaire de Catherine Gilliardi dans La fabrique de l'histoire de notre cher Emmanuel Laurentin, le 24 décembre 2012. On voit surgir là le Londres de la misère de Dickens. Oui, la misère, la pauvreté, la pollution aussi. Si on est une ville qui est très polluée, on vient d'avoir quelques exemples, pollution de l'eau, pollution de l'air, les fosses septiques qui contaminent les nappes d'eau. Donc il y a toute cette autre face, cette face sombre de la ville, ce qui n'exclut évidemment pas le côté brillant et paillette. Et la haute société, la ville de la season, mais aussi les dures réalités quotidiennes d'une large partie de la population. Comment est organisée la municipalité? Elle est beaucoup plus dispersée dans ses pouvoirs qu'aujourd'hui, au moment où Sadiq Khan arrive au pouvoir. Alors c'est tout à fait différent en effet, mais il faut bien voir qu'il a fallu attendre 1999 pour qu'il y ait un maire de Londres. Hein. Auparavant, il n'y en avait pas. Il y avait effectivement, donc d'un côté, il y a la City qui a sa propre organisation municipale, puis le reste de la ville était administré après 1888 par le conseil du comté de Londres, qui devient en 1965 le conseil du Grand Londres, Greater London Council, mais il n'y avait pas de maire au sens où on l'entend dans les institutions municipales françaises. Donc c'est très récent et c'est le gouvernement Tony Blair qui a procédé à cette réforme. Alors pour finir comme nous avons commencé, puisque Londres va avoir un rôle important dans le choix, dans quelques semaines, dans quelques jours, sortir ou non de l'Union européenne, est-ce que vous pourriez replacer cette longue histoire de la capitale par rapport à l'enjeu essentiel que nous allons affronter, qui va être affronté par l'Angleterre et par l'Europe ? Je pense que tout le monde est d'accord sur le fait que tous les milieux économiques, industriels, financiers sont pour le maintien de la Grande-Bretagne dans l'Union européenne. Après, le problème va se poser au niveau de la population, justement des parties les plus modestes de la population. Les sondages montrent bien par catégorie que plus en fait on s'élève en termes de niveau éducatif, par exemple, plus le oui, donc le maintien dans l'Europe l'emporte. En revanche, pour des populations plus modestes et moins éduquées, sont davantage sensibles à la propagande, des partisans du Brexit, de la sortie. Si l'on regarde les résultats géographiquement, je pense que le non sera beaucoup plus prononcé dans les régions du Nord et de l'Est, qui sont beaucoup moins ancrées sur le plan économique à l'ensemble de l'Union européenne. En revanche, la City, elle a vraiment tout à gagner de rester dans l'Union européenne. Est-ce que le caractère communautariste de Londres, si différent des principes français en particulier, peut intervenir, la nature de ce communautarisme peut intervenir dans les choix qui vont être faits? Je suis sensible au fait que le nouveau maire, Sadiq Khan, a expliqué que ce communautarisme pouvait avoir un inconvénient du point de vue des comportements politiques. Nous vivons trop entre nous, dit-il, tout en s'affirmant dans sa différence comme musulman pratiquant. Prête un serment sur un Coran et non pas sur la Bible. L'idéal communautariste, effectivement, s'est vu quand même quelque peu remis en cause depuis les attentats de 2005, si je ne me trompe pas d'année. Donc il y a des doutes, des questionnements, mais c'est quand même un élément qui compte dans la société britannique. Et je pense que ceux qui sont partisans de la sortie de l'Union européenne s'identifient quand même davantage à une Angleterre blanche, une Angleterre plus repliée sur elle-même. Donc je dirais que le communautarisme est un facteur qui contribue au contraire à plaider en faveur du maintien dans l'Union européenne. Eh bien, nous allons voir, au-delà des sondages, le suspens est complet. Merci beaucoup Philippe Chassaigne, merci. Votre livre consacré à Londres s'appelle « Londres, la ville-monde ». Publié chez Vendémiaire en 2013 avec la collaboration de Marie-Claude Esposito. Elle est plutôt spécialiste des aspects financiers et bancaires. Voilà, tout à fait. Sa spécialité, c'est vraiment l'histoire de Londres en tant que place financière. Et toutes les parties traitant de la banque et de la finance dans le livre lui doivent énormément de choses, celle qui les a rédigées. Vous êtes chargé de quel chapitre vous-même ? Tous les aspects politiques, économiques ou sociaux. Ceux que nous avons évoqués ce matin. On vous doit aussi, paru il y a un peu plus longtemps, 10 ans auparavant, chez Armand Collin, en 2003, un ouvrage qui s'intitule « La Grande-Bretagne et le monde, de 1815 à nos jours », dépassant Londres, mais le contenant largement. Voilà, mais il va falloir faire une édition actualisée après le référendum sur le Brexit, je pense. Vous suspendez votre souffle et votre plume? Oui, bon, j'ai ma petite idée, mais je ne suis pas Madame Soleil, donc... Faut-il le regretter? Je ne sais pas. Chacun en jugera. Rémy Bettemont est l'auteur d'une histoire de Londres aux sources d'une identité contradictoire chez Talendier en 2011. Et puis je signale que la revue Historia a publié récemment un numéro spécial consacré à Londres, capitale du monde de 1837 à 1901. Vous pourrez naturellement, comme chaque semaine, trouver une bibliographie plus complète sur notre site avec les références des documents que nous avons utilisés. Et vous pourrez écouter, réécouter et télécharger cette émission pour en faire votre miel, y compris après les résultats de référendum sur le Brexit. Mais j'espère aussi beaucoup plus longtemps. Samedi prochain, nous parlerons des kamikazes, puisque le mot prospère, hélas... à cause des attentats que nous savons, mais en revenant sur l'origine, c'est-à-dire sur les kamikazes à proprement parler, les kamikazes japonais, mission suicide, kamikaze 1944-1945, avec Pierre-François Souiri. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Nathalie Lempereur et par Jeanne Guéroux, une émission réalisée cette semaine par Véronique Villa, avec Alexandre Dang à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque et Aude Vassan pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et maintenant, vous allez entendre l'émission de Christine Ockrent, Affaires étrangères.